Pourquoi a-t-on besoin de réforme? Il y a une notion qui, en morale et en politique, est encore une énigme et nous surprend toujours, c'est la notion de réforme. D'un côté, elle semble en effet avoir quelque chose de radical. C'est par exemple du côté moral. Et on pensera au célèbre traité de Spinoza intitulé « Le traité de la réforme de l'entendement », un changement radical de manière de penser pour éviter celle qui nous conduit au malheur et conduire à une pensée qui puisse nous conduire au bonheur et même à la béatitude. Et dans le domaine religieux, on pensera par exemple à la réforme protestante qui semble en effet avoir eu quelque chose de si radical qu'elle a inauguré une division au sein d'une même religion et peut-être aussi la coexistence de la pluralité des religions dans un même espace civique et politique. Pourtant, du côté politique, justement, la notion de réforme est toujours perçue comme ayant quelque chose d'intermédiaire, quelque chose aussi d'insuffisant par opposition, par exemple, et c'est une opposition au grand poids historique, avec la notion qui semble plus radicale de révolution. Quelle est donc cette étrange notion de réforme qui semble d'un côté avoir quelque chose de radical et d'un autre côté avoir quelque chose de modéré, comme on dit un réformiste ou un réformateur par opposition à un révolutionnaire? Eh bien, justement, c'est tout l'intérêt de la notion de réforme, c'est qu'elle a quelque chose de radical, mais sur un aspect ponctuel de notre vie. Par exemple, en morale, si Descartes ou Spinoza veulent changer notre manière de penser, écrire un traité, comme chez le second, intitulé « De la réforme de l'entendement », c'est parce qu'ils ne prétendent pas changer l'ordre du monde, changer tout, mais changer seulement, entre guillemets seulement, notre manière de penser. Descartes disait « changer plutôt nos désirs que l'ordre du monde ». Renoncer à l'idée de révolutionner la révolution des planètes, de tout changer, mais changer intérieurement ce qui permet quand même un changement absolument radical et essentiel. Et peut-être qu'en politique, la réforme n'est pas moins radicale que la révolution, mais elle ne prétend pas tout changer d'un coup, elle prétend garder certaines choses. Mais ce sur quoi elle veut agir, ce qu'elle veut réformer, elle veut néanmoins le changer en profondeur et parfois radicalement. Un réformiste, cela semble secondaire, mais un réformateur, c'est quelqu'un qui a introduit une réforme ponctuelle mais radicale qui peut-être a permis de tout changer. Et la notion de réforme, on comprend alors son aspect intermédiaire, c'est qu'elle ne prétend pas tout changer justement comme la révolution. La révolution, c'est le passage complet et global d'un aspect à un autre opposé, y compris dans le cosmos, dans l'univers, la révolution des astres. Mais la réforme, au contraire, ne prétend pas à ce changement global, mais à un changement radical sur un point précis. Les réformes sont donc aussi tout à fait importantes et malgré tout, avoir la bonne réforme contre la mauvaise, c'est évidemment l'enjeu essentiel. On comprend pourquoi elle reprend la notion de forme, la notion d'une matière qui, en elle-même, ne peut peut-être pas être métamorphosée, détruite absolument, mais qui peut prendre une nouvelle forme. C'est la notion des nouvelles formes de nos vies, de nos manières de penser. Les hommes ont besoin de réformes, de lutter contre les formations et les formes du pire, et lutter pour des formes qui puissent nous mener vers le meilleur.